C'est plus un problème d'ordre d'état d'esprit ou technique ? Ben moi, je pense qu'il faut juste laisser le temps à Guinovès aussi de construire son équipe, de préparer ses bonhommes, de créer une cohésion, de créer vraiment une énergie qui lie ses hommes et qui travaille dans le même sens aussi. Ça prend du temps à construire une équipe, quoi. Ça se fait pas comme ça, et je pense qu'il faut être assez indulgent. Un an et demi qu'il est là. Ouais, un an et demi, mais la Coupe du Monde, c'est dans 4 ans. Les objectifs des entraîneurs, généralement, c'est... Alors, je me permets d'intervenir, mais du coup, c'est pas le problème de Noves, en fait, c'est le problème de Laporte. C'est qu'en amont, il faut des gens qui recrutent, des gars qui ont pas 20 ans ou 22, enfin, c'est genre 15, 16, regarde, 17 ans. Si on compare au handball, c'est un meneur d'hommes qui, s'ils sont champions du monde depuis je sais pas combien d'années, c'est parce que à la tête de cette équipe, il y a un meneur d'hommes, il y a un quelqu'un qui a construit, qu'on lui a laissé le temps. Le hand, c'est vachement moins médiatisé, donc il y a moins de pression. Et Noves, on sait très bien qu'il marche pas à la pression. Il s'est toujours éloigné des médias, il a toujours essayé d'être un peu distant de ça parce que ça le perturbe dans son travail. Et je pense qu'il faut vraiment laisser le temps à ce bonhomme de construire cette équipe et on aura des belles surprises plus tard. Objectif, quoi, prochaine Coupe du Monde. Ça se construit, il y a vraiment un objectif de construction. Il arrive là, il avait envie d'être là maintenant et si ça fait 30 ans. Non, si ça fait un an et demi qu'il est là, c'est un an et demi, c'est quand même relativement court, quoi. Je veux dire, après, il a pas eu non plus grand chose à faire non plus, quoi. Il fait quoi? Il a un tournoi, deux tournois, une tournée entre les deux tournois. Enfin, c'est... Je rappelle, c'est pas non plus facile pour juger une personne, quoi, et son boulot encore moins, quoi. Bien sûr. Alors, je rappelle qu'un des gros fiascos avec l'équipe de France de la dernière Coupe du Monde, c'est l'équipe d'Angleterre, qui passe pas le premier tour et qui a quand même mis beaucoup moins de temps pour se reconstruire, avec un nouvel entraîneur. Mais là, pour le coup, c'est pas leur faute. Moi, j'ai l'impression. Enfin, tu vois le match, Galles-Angleterre. C'est celui qui gagne. Et ben, en fait, il passe en phase élimination directe. Et les Anglais, ok, ils perdent très bien. Après, je crois qu'ils font un mauvais choix. Ils prennent pas la pénalité. Ils tapent en touche. Ils veulent la gagne parce qu'ils sont chez eux. Ils prennent la pénalité. A priori, elle passe normalement et ils sont ex aequo. Et puis c'est eux qui vont en phase élimination directe. Là, ils ont fait un choix chez eux, machin. Peut-être ils ont été un peu genre bouffis d'orgueil. Bah, ça a pas marché. Après, c'était la poule de la mort, vraiment. Très anglais, tout ça. Enfoiré d'anglais. On le regrette pas trop, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'Eddie Jones, quand même, il a pas le même bilan que Guinovès en un an et demi. Il y a aussi la question qu'on pose toujours en France, effectivement, Thomas le soulignait, c'est celui des joueurs étrangers. On y reviendra. Le problème, c'est plus celui du top 14. Avec, je pense qu'en top 14, il doit y avoir 20 ailiers fidjiens. Non, mais c'est ça. Je pense en tout. Ce qui est complètement délirant. Et au niveau des postes clés, demi-mêlée, demi-mêlée d'ouverture, c'est vrai que là, on est tombé sur un serein qui anime bien le jeu, donc qui est assez prometteur. Mais en demi d'ouverture, Camille Lopez, ça fait vraiment troisième choix. Mmh. Ouais, on peut pas tout avoir. Des meilleurs tournois au monde et pas avoir les meilleurs joueurs. Alors, je suis d'accord avec toi, Guillaume, quoi. Merci beaucoup. Alors, c'est parfait. Alors, moi, je suis absolument pas d'accord avec vous. Je reviens là-dessus. Comme c'est par que hasard. Il se trouve que on a quand même un pays avec beaucoup plus de licenciés que les pays contre qui on joue dans ce tournoi. Et on n'arrive pas à avoir une équipe compétitive. Alors, pourquoi? Simplement parce que effectivement on a des salaires qui sont plutôt élevés. Il me semble qu'on est peut-être le pays avec les salaires les plus élevés dans le monde, je pense aussi. Du coup, ce qui se passe de manière très simple, c'est que on fait venir des joueurs qui ont un certain âge, on oublie notre petit cheptel et du coup ces gars-là en fait n'ont pas l'occasion de se montrer ou de se former. En fait, le problème il vient en amont. Il faut absolument prendre en compte que on a beaucoup de licenciés très jeunes qui ont beaucoup de talent et il faut aller les chercher. Il faut secouer le cocotier. D'un côté, ces joueurs qui arrivent avec une dextérité technique, physique, je pense qu'ils apportent aussi aux joueurs français, quoi. Tu vois, ils partagent une expérience justement de formation qu'ils ont eue dans d'autres pays où ils accentuent la formation et ils arrivent là. Je pense que quand même, ils transmettent quelque chose aux joueurs avec qui ils jouent, quoi. C'est-à-dire est-ce que les joueurs qui viennent du rugby à 7 ont vraiment leur place aussi dans le non. rugby à 15, vous pensez? Oui. Oui, aussi. Le débat. Mais oui, mais non, mais regarde, mais Vakatava, franchement, bon, même s'il fait un peu des matchs de merde, enfin, notamment pendant les, le dernier ou l'avant-dernier, je sais plus, mais il me semble que contre l'Angleterre, il avait été un peu phénoménal. Oui. Après, t'as aussi un, celui qui a signé à La Rochelle, là, je sais plus, qui était, pareil, il était sous contrat fédéral avec le 7, et maintenant il est ailier à La Rochelle. Guillaume, ça te parle? Tout à fait, oui. Et, ouais, mais d'accord, mais comment il s'appelle? Bon, bref, en tout cas, oui, voilà, donc il est très fort, donc lui, il aurait sa place. Mmh. Merci. Bon, peut-être d'autres remarques sur ce match. Vous aurez noté sans doute l'absence de Brian O'Driscoll et celle de Ronan O'Gara. Et malgré tout, l'Irlande s'impose encore une fois avec la matière. Pardon? Il manquait Keith Wood. Pour la bataille d'œufs. Pour la bataille d'œufs, on se le garde tout à l'heure. Ah, pardon. En matière de demi d'ouverture, on avait quand même Johnny Sexton et Paddy Jackson, et ça rigole pas, hein. C'est pas la même. Johnny Sexton qui joue d'ailleurs au Racing, si. Ah oui. Comme quoi, on peut être bon en équipe nationale et mauvais dans son équipe de club en top 14. Je suis pas sûr qu'il joue encore au Racing. Sexton, à mon avis, il est rentré. Il a fait une année, il s'est barré. Ouais. Il nous ferait être trop mauvais. Et buonasera a tutti. On va parler donc maintenant des Italiens qui ont pris une pile. Donc il y a deux matchs quand même contre, c'est l'équipe d'Irlande d'ailleurs qui les a rossés 9 essais à 0, 63 points quelque chose, plus de 60 points il me semble. Et ces Italiens qui égal à eux-mêmes en fait après une période de mieux sur des dans le courant des années 2010, une victoire par-ci, une victoire par-là, ils ont tenté d'éviter la cuillère de bois, ils l'ont peut-être même évité une fois la cuillère de bois ou deux fois au profit de l'Écosse et peut-être de la France. Que penser de ces Italiens qui avec leurs limites, avec leur championnat en bois vendent malgré tout charmant leur peau. On parle quand même de sortir les Italiens du tournoi destination pour faire rentrer d'autres nations. Bah, c'est vrai que il me semble que les institutions du rugby européen cherchent à mettre en place un match de barrage avec le vainqueur de ce qu'on appelle le championnat d'Europe, c'est-à-dire les équipes B européennes, à savoir Géorgie, Espagne, Roumanie, Allemagne, peut-être Russie, voire Belgique. Et ce serait pourquoi pas intéressant. Moi, je pense que c'est pas si mal que ça, même si c'est vrai qu'il y a toute l'histoire du tournoi des cinq nations, mais depuis que l'Italie est rentrée dans le tournoi des six nations, bah, on est dans une ère du rugby moderne, alors finalement, la tradition, elle peut passer à l'as. En même temps, les barrages, c'est très traditionnel, quoi. En France, regarde, il y a des barrages entre le dernier, l'avant-dernier de Pro D2, je crois, et entre le second Pro D2 et l'avant-dernier du top 14. Non. On va vérifier ça. Je sais qu'il y a des barrages. Ils le font en Ligue 1 cette année, donc ils vont bien le faire pour le rugby aussi, quoi. C'était plutôt pour la traditionnelle, on va dire, marque 5 nations puis 6 nations. C'est vrai que si on change les équipes d'un tournoi des 6 nations, c'est vrai que c'est ce qui existe par exemple en tennis avec la Coupe Davis. Hein. Il y a des barrages, ce qui fait qu'on a toujours des surprises. C'est pas très intéressant la Coupe Davis, je trouve, hein, personnellement. J'espère que le tournoi finira pas comme ça, mais bon. Moi, ce qui me trouble un petit peu, c'est que l'Italie, en fait, si on calque un petit peu le parcours de l'Italie avec celui de l'Argentine, l'Argentine est rentrée dans le Trination, donc qui n'est plus un Trination. Et puis, en fait, en 3 ans, je crois, les mecs se démerdent super bien. C'est-à-dire que leur rugby a évolué. D'ailleurs, ils plantent régulièrement la France. L'Italie, c'est pas le cas. Enfin, ça fait un moment qu'ils galèrent. Ils sont encore dans un truc. Bah, je crois qu'ils ont quand même planté la France, hein, l'Italie. Hein. Même beau, peut-être une ouais, fois. Peut-être une fois, deux, soit mais... un coup de cul, quoi. Mais enfin, je veux dire, l'Argentine, pour le coup, c'est vraiment une nation qui tient, quoi. Enfin, a priori, j'aurais du mal à dire l'Argentine est moins bonne que la France. Je suis pas du tout sûr de ça. Les mecs ont évolué ça, en peu de temps. Ça, c'est un peu quoi. Grâce à nous, parce qu'il me semble que et alors, la plupart venir, des évidemment. Argentins, ils jouent où? Pour une fois, on est d'accord, en fait. C'est l'hémisphère sud, non? Simplement, les Argentins, en fait, ont su former leurs joueurs aussi à l'étranger, notamment dans le championnat de France. L'Italie, je vois pas beaucoup de joueurs italiens, à part ce fameux Castro Giovanni. Bah, à la grande époque, il y avait quand même Dominguez, Troncon, Bergamasco. Il y a eu un paquet de joueurs qui sont passés par le championnat de France, mais ça correspondait aux belles années. Mais collectivement, l'Italie n'a jamais... Est-ce qu'il y a un trou générationnel, tout simplement? Est-ce que l'Italie, vous pouvez me dire à un moment, est-ce qu'ils ont une heure de gloire, en fait, je crois pas, en fait. Enfin, les Argentins, ils ont tenu clairement les Australiens, les Sud-Af. Enfin, je veux dire, même nous, on n'arrive pas à le faire, quoi. Ces gars-là, ils le font sur un tournoi. Enfin, ça fait 3 ans qu'ils sont dedans. Enfin, c'est quand même bizarre. Alors, les Italiens, j'ai pas de réponse là-dessus, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Enfin, bah, moi, années, je dirais que l'Argentine, c'est quasiment aussi un contre-exemple. On n'a jamais vu aussi une équipe se transformer de cette manière en 10 ans. C'est vrai que c'est complètement dingue. Est-ce que tu parles de produits dopants? Ben, je sais pas, mais en 10 ans, on a une Argentine qui était quand même, bon, tu vois, la traditionnelle équipe amatrice avec un réservoir de joueurs très faible finalement, un jeu réservé en général à l'élite. C'est quand même que des petits bourgeois qui jouent au rugby en fait en Argentine. Et puis, bah, d'un coup, l'Argentine, bah, c'est le même niveau que la France, elle est en réalité au-dessus même. Moi, j'ai l'impression que tu parles de l'Argentine, bah, moi, je suis pas d'accord, moi, je pense que tu parles de l'Argentine d'il y a 25 ans, quoi. Et qu'en fait, maintenant, non, les Argentins, ils jouent quasiment tous soit en top 14, soit dans le championnat anglais. Et les mecs, après, donc c'est sûr qu'en termes de cohésion d'équipe, peut-être c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, ils sont sur des continents différents, ils sont dans des championnats différents. Et quand ils rentrent chez eux, bah, il y a tout un décalage qui doit forcément se créer. Mais pourtant, moi, je suis convaincu que ça reste une équipe avec des putains de valeurs, mais au-delà de ça, tu vois, qui, quand ils se retrouvent, justement, quoi, ils sont pas là pour enfiler des perles, quoi. Ils défendent un continent, tu vois, au-delà Je suis pas loin de penser ça aussi, c'est que, en fait, c'est peut-être la différence avec les Italiens, c'est que les mecs sont pas, en fait, ils ont pas une cohésion d'équipe, en fait, ils ont ce truc où, bah, ils se galvolent, ils sont un peu à fond, mais en fait, en vrai, ils tiennent pas une mi-temps, en fait. Enfin, là, le match contre l'Angleterre était très intéressant, c'est-à-dire qu'ils tiennent les Anglais pendant une mi-temps, quand même. Enfin, là, il me semble qu'à la mi-temps, ils sont devant, quoi. Les Italiens sont devant les Anglais à la mi-temps. C'est comme ça, tu vois, les grosses équipes, hein. C'est quand ils ont le même niveau tout le long du match, quoi. Mon cher coach, peut-être vous aviez votre pierre à... Non, mais peut-être que ça se joue aussi dans le fait que les Argentins pleurent pendant l'hymne et pas les Italiens. Mais l'hymne italien est particulièrement chiant. Hein. Ouais. Moi, je l'aime pas. Hein. Je peux pas pleurer là-dessus. Hein. Italia, Italia. Alors, cette équipe d'Italie, très souvent réduite au hors-jeu, hein, on se souvient de l'Italie du début du tournoi Destination, qui était en permanence hors-jeu, qui traînait vraiment, mais éhontément, derrière tous les rocs. Elle a inventé quelque chose, là, ce week-end. La Pippo Inzaghi. C'est ça. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus, mon cher Thomas, ou pas? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Le hors-jeu, vous voulez dire? Le hors-jeu non sifflé, voilà. Alors, j'aimerais, mais j'ai pas vu le match, mais je suis donné d'être aussi franc. Quelqu'un souhaiterait nous en parler ou bon, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sinon. S'il te plaît. Eh bien, il se passait que lors des phases de ruck, un Italien, en général le fameux Sergio Parisse, excellent joueur s'il en est, traînait en fait devant le demi d'ouverture. En fait, il est traîné 5 mètres devant la zone de ruck. Et il n'était pas sifflé parce qu'il ne faisait pas action de jeu à ce moment-là. Et c'était une nouvelle entourloupe inventée par les Italiens. Les Anglais se sont mis à le faire au bout d'un moment dans le match. Je ne sais pas si les Anglais se sont mis à le faire parce que vraiment pour inventer ce genre de choses au rugby, c'est étonnant. C'est fameux, c'est puisque quand même. Je suis pas sûr d'avoir compris en fait. Tu veux dire que le demi d'ouverture donc anglais avait donc parissé régulièrement devant lui, dans une zone de hors jeu, sauf que c'était pas sifflé quoi. Puisque c'est étonnant. Lors des phases de ruck, il n'y a pas de hors-jeu, à part à partir du moment où le demi de mêlée touche le ballon. Ah, et avant que le demi de mêlée touche le ballon, le numéro 8 traîne devant le 10, en fait, pour gêner. Mais c'est une puterie italienne, ça, quoi. Enfin, moi, c'est un truc que je trouve insupportable. On le dit, ça n'a pas lieu d'être, quoi. C'était assez hallucinant. Ils ont révolutionné le foot il y a 20 ans. Avec Pippo Inzaghi, ouais. Je déteste ça. Non, c'était Paolo Maldini, plutôt, il me semble. Alors, conclusion, faut-il les chasser du tournoi, eut égard, non pas à leurs résultats, mais à leur tendance à pourrir tous les sports auxquels ils touchent? Bah, moi, je dirais un bon barrage contre la Géorgie, ça leur fait mais le oui, pied, tout à fait. Comment il s'appelle ce mec de Toulon, là, le Géorgien? Gorgodze. Mais alors, ils ont tellement leur place, les Géorgiens, là. Ils aiment ça en plus, bon quoi. C'est pour eux, parfait. Quoi. Ils vont kiffer, quoi. Ou la Roumanie. Mon cher Dundee. Ou la Russie. Est-ce que vous voudriez développer un petit peu ces à côté de l'Italie, puisque l'Italie, si ce n'est pas le rugby, tout au moins c'est la mode, la Lombardie, Milan. Milan, c'est défilé, c'est Fashion Week. Cette Fashion Week permanente. Fashion Week des gros. Eh bien, écoutez, oui. En fait, j'ai réagi à une de vos interrogations, cher docteur, où vous nous interpelliez sur le fait que vous constatiez une certaine hipstérisation des premières lignes dans le rugby. Exactement. Et bon, ça m'a assez interpellé puisque moi aussi, en grand amateur de rugby, j'ai l'image des premières lignes plutôt historiques de l'équipe de France et j'ai pas le souvenir de joueurs avec une esthétique hipster, à savoir barbe imposante, broussailleuse, tatouage, etc. Alors je suis remonté un petit peu pour voir quels étaient les morphotypes de nos avants à partir des années 90 en France. Et puis effectivement, il y a Califano, Tourner, Ribagnès, Crinca, Marconnet, De Villiers, Razé, tous. Bruno Landreau, Masserva, De Batty, Auguste, Barcella, Kaiser, Domingo, Ducalcon, aucun d'entre eux n'est effectivement ne présente le look hipster. Mais c'était depuis, une autre époque, c'était une autre époque. Mais regardez, Ducalcon, je crois qu'il joue encore peut-être pas à la dernière Coupe du Monde. Il me semble qu'il est encore sélectionné. Bon, en fait, il y a un changement d'air tout récent où les joueurs de rugby se mettent au mouvement hipster. Donc, je suis allé vérifier un petit peu dans notre championnat Top 14 pour voir si effectivement le mouvement, il y avait un véritable mouvement, une vague d'hipster. Donc, j'ai regardé un petit peu club après club et pour voir si c'était un phénomène qui concernait uniquement les premières lignes ou si tout le pack des gros était concerné et puis au-delà les sveltes ailiers et centres. Et effectivement on constate quand même un certain nombre de tendances qui sont très lourdes et qui concernent la première ligne. D'abord beaucoup plus de barbe aujourd'hui qu'avant dans le championnat, c'est impressionnant. Si je regarde, je crois que l'ensemble des premières lignes de l'ASM portent la barbe. Parmi eux donc tous les piliers sont barbu et puis un certain nombre de talonneurs sont hipsters. Alors il y a l'hipsterisation par exemple de Vincent De Batty et voire celle de Thomas Domingo. La Rochelle aussi est un des foyers de l'hipsterisation dans le rugby français, il faut le savoir. Alors c'est une hipsterisation pacifique, insulaire, sous influence samoane, tongienne. Et là on a des gros Golgoth tatoués avec des barbes, donc on pense à Winnie Antonio, donc naturalisé évidemment, mais aussi Vincent Pello. Ah, moi j'aimerais en parler. Vincent Pello et David Féao, là, alors lui l'Australien, donc sur les neuf membres de la première ligne de La Rochelle, je compte 4 hipsters, ce qui est quand même pas rien. C'est pas rien. Du côté du Loup, c'est tout à fait propre. En fait, on s'aperçoit qu'il y a certains foyers. Donc La Rochelle, j'en ai parlé, Toulon, avec Chiocchi notamment. En fait, c'est un peu la jeune garde à Toulon. C'est Chiocchi qui se met un petit peu à la mode hipster, mais doucement, ça démarre, mais on sent qu'il y a quand même un gros potentiel. Il y a aussi du côté de Brive. Alors, Brive, c'est un peu à tous les postes, avec des hipsters quand même assez clés et puis assez classe, et notamment peut-être le hipster du championnat, en la personne de Damien Jourdain, qui, je crois, est pilier gauche, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous le connaissez. Alors évidemment, c'est la barbe dans tous ses états dans le top 14, et il faut faire attention à une confusion qui est possible, c'est que il ne faut pas confondre les hipsters et les Georgiens. Alors on parlait du nombre important de Georgiens dans le pack. Effectivement, il y a énormément de Georgiens, Saakashvili, Gorgodze, etc. Bon, les Georgiens ont l'art de porter la barbe, mais c'est tout à fait autre chose. C'est une culture. N'empêche que tous les Georgiens sont barbus, quoi. Mais la différence avec les hipsters, c'est que eux, ils ont la barbe en forme de gouttière, c'est-à-dire la fameuse gouttière. C'est la gouttière georgienne. Ouais. Voilà. Donc il y a effectivement des chefs de file. J'en parlais, Damien Jourdain, de Brive, Johan Montez, de Castres, Cameron Pierce, le Canadien, une grosse tendance hipster quand même au Canada à première ligne. Et puis le fameux Néo Z du Stade Français, Alad de Malvanche, qui est lui un hipster roux, un des rares hipsters roux de notre championnat. Et puis Thomas donc Quentin. des petits jeunes qui s'affirment. Cyril Baye, nouveau pilier gauche. Alors en voie d'hipsterisation ou pas, Cyril Baye, ça fait débat. Et puis il y a des vieux qui se convertissent évidemment, dont Julien Malzieux, ailier de Montpellier, oui, qu'on n'a pas connu hipster, qui est aujourd'hui hipster. L'hipsterisation de Batty, j'en ai parlé. Bon voilà, donc on reste quand même sur les packs. Le pack, c'est les premières lignes, voire de temps en temps quelques deuxièmes lignes qui sont concernées. Donc évidemment, vous faisiez référence certainement à Martin Castro Giovanni, première ligne bien connue du Stade Français. Mais lui, il avait il était plutôt qu'un hipster, c'était un avatar de Sébastien Chaval à la même époque. C'est un précurseur concurrent. De Sébastien Chaval, dirais-je. Un mec qui se relâche. C'est précurseur, vous diriez. Je pense que c'était un concurrent, en fait, un peu à la même époque. C'est vrai, voilà. Un mec qui se relâche. C'est-à-dire que l'autre tendance des hipsters, c'est les chevelus. Mais tu n'as pas cité, un de nos invités, en fait, qui a quand même joué en équipe de France junior et qui est un peu un représentant des hipsters parce que barbe. Tout à fait. Et puis gouttière. Quand même, quoi. Ah, pas de gouttière chez les hipsters, attention. Ah, si, les hipsters à la gouttière, tu rigoles ou quoi? C'est les hipsters georgiens, mais pas Il n'y a pas de gouttière. Pas de gouttière. Pas ce soir, parce que du coup, il avait la pression avant de venir ici, et je lui ai dit, attention, il n'aime pas les gouttières. Plutôt tendance Swarovski, alors, si je peux me permettre. Et en même temps, si je peux me permettre, on parle de hipsters et de barbe, mais là, je nous regarde tous depuis tout à l'heure, et on est, quoi, 7, et on a tous la barbe, quoi. Effectivement, c'est pas la barbe de Hipster. Non, mais c'est pas la barbe de Hipster, mais voilà, on a tous la barbe. Et toi, en plus, voilà. t'es une gouttière, Ronald. Voilà, tu vois, donc, mollo. Alors, on peut se poser, effectivement, la question des raisons de l'hipsterisation de la première ligne, donc, qui est avérée, finalement, qui s'internationalise. Il y a des joueurs emblématiques au Canada, en Écosse, en Australie, en Angleterre, qui sont passés en mode hipster. Qu'est-ce que vous voyez comme raison, vous, à ce phénomène d'hipsterisation? Les médias. Mais essentiellement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la première ligne. Pourquoi la première ligne vire hipster? Parce qu'ils sont gros. Ouais. Ils ont besoin de trouver un truc qui soit genre séduisant ou je sais pas quoi, mais en tout cas ils s'investissent d'une mission de mode et du coup ils s'hipsterisent. Mais d'ailleurs je voulais réagir sur si on sort du côté pilosité, il y a eu une histoire de cocaïne il y a pas longtemps en fait, enfin donc c'était il y a 2-3 jours avec deux joueurs de Toulon, enfin Racing et Toulon, qui se sont fait choper donc il y a pas longtemps, donc ça colle un peu avec ce truc de hipster machin et Boudjelal était en train de se préoccuper de la troisième mi-temps. Est-ce que maintenant c'est seulement de l'alcool ou est-ce qu'on passe à autre chose? Enfin, je déborde un peu du débat. Non, mais c'est tout à fait. Ça fait partie des valeurs. Des valeurs hipster. Il y a un certain sens de la. Et qui lui-même des valeurs du rugby. Propre sur soi. On se la colle dans les coulisses en troisième mi-temps, mais quand même. Donc effectivement, je retiens peut-être l'idée d'une volonté de médiatisation de la première ligne. Absolument. Associée peut-être à un physique particulier de gros nounours. Qui va bien avec le côté bûcheron peut-être hipster. En fait, les premières lignes, bah alors si ce n'est quelques gars, notamment les gars de La Rochelle où ils ont quand même des des mecs qui font 2 mètres, tu vois. Et... Mais finalement, en fait, le profil rugby a quand même bien changé depuis une vingtaine d'années. C'est que il me semble qu'à la base, quand même, le rugby c'était un sport où, en gros, quelque physique que tu peux jouer. C'est-à-dire que tu peux être petit, tu peux être maigre, gros, enfin, toujours est-il que tout le monde trouve sa place, quoi. Il se trouve que maintenant, à haut niveau, ils ont quand même un physique qui est à peu près le même, c'est-à-dire, c'est des Golgothes qui font au moins 1m80, 90 et une centaine de kilos. Tu prends un première ligne dans les années 80, c'était un Fatih qui faisait 1m80, et puis voilà, maintenant, ils font, enfin, ils ont tous le même profil, quoi. Mais pour en revenir au côté genre hipster des avant, enfin moi j'aurais plutôt dit que c'était en fait les trois quarts qui étaient hipsters. Alors peut-être que du coup ils sont plus métrosexuels, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous un peu effectivement genre des codes. Mais... c'est un bon débat le métrosexuel dans le rugby. Bah attends, tu vois genre à UG, enfin je sais pas, il est soit hipster soit métrosexuel comme c'est l'un ou l'autre. Il est sosie de Dundee quand même. Je mettrais pas tout dans cette catégorie. Ouais, voilà. Il prend soin de lui, t'as l'impression qu'il a envie d'être bien, être Dundee de se sent pas visé quoi. Tu vois, je sais pas, après il y a après c'est une petite mode. J'ai l'impression que le rugby est à l'image de la société d'aujourd'hui et qui s'hipsterise énormément en fait. Mais qui se classe c'est la mode quoi. Il revient un peu à la mode. Mais oui mon blanc, Fait, quoi. Vous voyez, moi j'ai la malchance de Chabal, c'était le précurseur un peu de cette mode un peu alternative. Chabal, c'était l'homme des cavernes. Il a lancé mais est-ce que c'est pas hipster ça quoi? Non, le hipster est plus soigné quand même. Le hipster est Chabal, il avait la queue de cheval en permanence, machin. Non, mais je pense qu'il y a différents différentes époques peut-être aussi du hipster, mais le hipster broussailleux, effectivement, c'est Chabal. Aujourd'hui, quand on voit les barbes des mecs, c'est pas des trucs rangés, soignés. Donc, il y a un côté très travaillé de l'ordre du style, je suis d'accord. Il y a une différence, c'est clair, de hipsterisation entre, il me semble, les trois quarts et les avances. Ça, c'est vrai. Un côté beaucoup plus propre sur eux, de manière générale. Les trois quarts, mais c'est comme les trois quarts, ouais. Le calendrier de Max Guazzini, quoi. Il y a un truc un peu, T'as raison. On change de dimension, quoi. Les mecs, dimension commerciale aussi. Les mecs, je sais pas, parce qu'ils sont costauds, alors direct, on fait un costaud, ils ont les muscles apparents, saillants, machin, tout. Donc c'est médiatique, quoi. Et derrière, après, donc on parle de leur barbe. Sauf que le débat, il est pas là, à mon avis, quoi. Le débat, c'est juste que. Compliqué. Putain, c'est des mecs qui font. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses. En tout cas, il est intéressant tout de même de souligner, on en avait déjà parlé lors de la dernière émission, les petites mèches des trois quarts anglais, les petites mèches hitlériennes des trois quarts anglais, qui ne sont ni hipsters ni quoi que ce soit, sont très Brexit, très Nouvelle Europe. Et puis ça va peut-être faire une petite Moi j'ai l'impression de voir jouer le troisième Reich. On en parlera peut-être dans une deuxième partie de Ça c'est très hipster. Qu'est-ce que tu en penses? Ça c'est très hipster. Mais c'est aussi très hipster, c'est pour ça que je fais la différence entre le hipster des trois quarts et le hipster des avants. D'accord. Un côté hipster cool des avants canadiens, il y a un côté hipster rigide des trois quarts à l'allemande, quoi. Bon bref, mais on constate que c'est valable dans d'autres sports aussi, notamment le foot. Le hand c'est pareil, quoi, tatoué. Mais du coup, la barbe, peut-être qu'on discutera, parce qu'il y avait un sujet qui me venait comme ça derrière ce côté transition bobo hipster, c'était le sujet finalement d'une espèce de révolution contre-culturelle à la fois esthétique, mais aussi au niveau des valeurs, qui est celle du boubourg, du bourgeois bourrin, qui reprend un peu les codes des hipsters en les transformant. On y reviendra peut-être avec Ascenseur pour les fachos tout à l'heure, parce que je pense que c'est lié. On enchaîne donc on conclut en tout cas cette première partie de l'habit dans la porte numéro 3, très très très animée avec notre équipe de Salonnais, qu'on remercie d'être avec nous ce soir, et on enchaîne avec une petite musique. Mais avant tout, on salue notre champion du monde, U19, vice-champion du monde, pardon. U19 qui s'en va. Il va chercher ses parents à l'aéroport. Allez, salut Guillaume. Et la bise à Didier à Françoise. La bise à Didier à Françoise. Très très bien. Salut Didier. Sois prudent sur la route. Y a pas de souci. Conduis droit. Je voulais juste ajouter une petite dernière question. Enfin, une idée comme ça, peut-être aussi, qu'il y a en ce moment, finalement, dans le monde bien-pensant dans lequel nous vivons, que. Il y a une protection peut-être de la barbe, puisque chaque fois qu'on se rase, il y a une barbe qui meurt. Tout à fait. Allez, on va lancer la musique. Acarena, s'il vous plaît. Bah, si elle sent le système, peut-être. Papi Jali. Ah bah on se marre bien chez vous, c'est cool. It's the world's biggest rugby event, and it's on home soil. England have an amazing chance to be crowned world champions for just the second time in history. But there's a major obstacle. The All Blacks. The current world champions are in amazing form with awesome power, strength, depth, and one secret weapon. The Haka. They're using it to intimidate us. They think they've got an advantage over us. They think they've won the game before a ball's even been kicked. I'm telling you what, we've got our own secret weapon. All right then, get behind the England lads. Why don't you have a go at the Hackarena? Maybe we'll put the All Blacks off the rhythm. Come on, boys. Fin de ce Hackarena, donc mythique que nous venons d'entendre sur 88.4 Radio Galère. Vous êtes bien avec le dispositif des bâtons d'Anguirou, l'habit dans la porte numéro 3. Et nous reprenons donc nos débats autour d'une thématique que vous avez su nous concocter et qui appelle la finesse, cher docteur. Ascenseur pour les fachos. Et oui, voilà. Dans les années 90, le rugby a quelque peu changé, le rugby a quelque peu évolué. À un moment donné, on s'est dit, oui, nous avons droit d'attraper le short de notre coéquipier pour le soulever, même à deux, pour qu'il aille beaucoup, beaucoup plus haut, qu'il attrape le ballon, lancé droit dans le couloir d'un mètre, peu souvent respecté, pour qu'il s'élève et fasse en sorte que celui qui lance le ballon, le récupère. C'était un ascenseur. Nous avons légalisé l'ascenseur. Et puis, petit à petit, nous avons redécouvert un rugby qu'on pourrait penser un petit peu problématique. Un rugby qu'on va qualifier de blanc. Un rugby qui parfois est un sport réservé à une certaine population, comparé au football, puisque rappelons-le, nous sommes originellement une émission de football. Le rugby est un sport de blanc, très souvent. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi ? Pourquoi, d'une part, on a cette dominante dans le rugby? Est-ce que cette dominante, elle est en train de s'inverser? Puisqu'un sport à visée mondiale devrait normalement être un sport finalement cosmopolite, qui montre un certain cosmopolitisme. Est-ce que ça change en France? Est-ce que ça change à l'étranger? C'est la question que je voulais poser de ce côté-là, à travers plusieurs questions. D'une part, la question des étrangers sélectionnables puis non sélectionnables en équipe de France, à travers d'autres questions, notamment celui du rugby, de l'apartheid sud-africain, de l'après-apartheid sud-africain et des quotas, à travers l'histoire des Néo-Zélandais, ces fameux All Blacks, puisque, rappelons-le, à l'origine, les Néo-Zélandais étaient tous blancs quand ils ont fait leur tournée, et on avait dit « they are All Blacks », c'est-à-dire « ce sont tous des arrières », et par une faute de traduction, on a dit « they are All Blacks », ce qui a donné le nom de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que cette question, j'ai envie aussi de la poser à nos amis qui pratiquent le rugby. Est-ce que le rugby, c'est un sport qui véhicule des valeurs très cosmopolites, notamment dans une région comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans laquelle nous vivons, et où voilà, ce serait intéressant de poser cette question. Alors, moi, ta question, elle me fend le cœur. Vraiment, elle me fend le cœur, quoi. Vraiment. T'en fais des caisses, putain. Bah oui. Bah oui. Mais tu m'as dit de faire ça. Non, mais après, il faut savoir que déjà, le rugby, c'est pas un sport mondial. Le rugby, c'est pas le foot, quoi. Le rugby, t'as quoi? T'as combien de pays qui sont. Et c'est vrai que, genre, la Coupe du Monde de rugby et la Coupe du Monde de foot, c'est incomparable. Enfin, t'as jamais les mêmes pays qui sont dans la. En foot, t'as jamais les mêmes pays qui sont à la Coupe du Monde, quoi. Ça, c'est impossible. Alors que clairement, tu sais très bien qu'avant le début de la compétition, au rugby, eh ben, le dernier carré, ce sera forcément, ou même dans les huitièmes de finale, ce sera toujours les mêmes équipes, quoi. Tu auras la France, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, évidemment les Néo-Zélandais, plus Irlande et puis Pays de Galles. Après, enfin, si on ramène ça sur le débat en termes de la région, notamment genre la PACA, comme tu dis, bah, putain, moi j'ai joué genre 12 ans au rugby, et putain, il y avait, c'était cosmopolite, mais au taquet, quoi. Ça a jamais été sectaire, ça a jamais, puis en plus, enfin, même si sur le terrain ça l'était, parce qu'il se trouve qu'effectivement nous à Salon il y avait que des blancs. C'est fou. Ah bon, il y avait qui? Ah, il y avait Bangoura. Voilà. Pardon, il y avait B, monsieur B. Non, mais d'accord, et après voilà, et on, après on s'en fout, enfin on n'est pas là pour ça, enfin qui vient joue et qui joue le veut quoi, après on s'en fout quoi. C'est pas la question au final. Après c'est sûr, si tu compares avec le foot où t'as à Marseille, on va dire qu'à Marseille sur les clubs de jeunes de foot, je sais pas, tu dois en avoir des centaines de milliers, tu vois, qui jouent au foot. Le rugby, c'est forcément, t'as beaucoup moins de personnes. Donc, évidemment, après, c'est plus lié par rapport à tes parents t'inscrivent au sport qu'ils ont pratiqué. Donc après, voilà, il se trouve que peut-être, effectivement, le rugby, bah, il y a plus de blancs. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a à branler? Peut-être en train de changer, justement. J'espère bien. Non, mais en fait, ce qui est intéressant de ce qu'il dit, c'est que de toute manière, le mec qui pratique le rugby, en fait, enfin... Clairement, dans notre petit club, nous on s'en foutait en fait. Enfin, il y a aucun souci. Enfin, je veux dire, il y a pas un moment où tu te dis, enfin, ça te vient même pas à l'esprit de te dire, ok, alors black, blanc ou beurre, en fait, rien à foutre quoi. Enfin, simplement rien à foutre. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez parlant. Alors, le rugby dans le sens large, le rugby à 13 pour le coup, il y a beaucoup plus de mecs communauté maghrébine en fait qui jouent au rugby à 13. Alors à 15. Ou au foot, enfin j'en sais rien pourquoi en fait ça se passe comme ça, mais toujours est-il que il y a deux éléments historiques sur le 13 et le 15. C'est-à-dire que d'une part, le 15 c'est aussi un sport de la ruralité traditionnellement en France, donc ça joue effectivement, peut toucher finalement la ruralité, la France des campagnes on va dire, et très peu touchée par les vagues migratoires, moins en tout cas que la France des villes, donc forcément. Par conséquent, on va dire que c'est plutôt des blancs qui jouent au rugby. Le 13, c'est pas le cas. Le 13, c'est pas ça. C'est pas. Et pour le 13, c'était autre chose que je voulais dire. C'est que le 13, historiquement, par exemple, a été condamné par le régime de Pétain, puisque c'était un sport professionnel, contrairement au rugby à 15, qui était un sport amateur. Et je pense que le rugby à 13, du coup, a eu un basculement en fait de ses participants, puisque c'était un sport où on pouvait gagner de l'argent depuis le début. Merci. Donc il y a cet aspect-là. Okay. C'est moins un sport de la ruralité finalement, et d'une représentation de la ruralité. Mais c'est une question que je pose. Ce n'est pas du tout. Oui, voilà. Non, mais en même temps, moi, ça me paraît carrément cohérent. Quoi, ah, mais carrément. Bah, du coup, en somme, j'ai envie de te dire, fais une chronique plutôt que de lancer un débat. C'est juste là, tu veux apprendre les choses. La question, on les emmerdes. Nous, dans notre petit club, on s'en foutait. Et toi, tu balances ton truc là. On passe pour des cons, quoi. C'est une chronique qu'il fallait que tu fasses là. J'avais bien raison de me remettre à ma place. Bah, je pense qu'en fait, il y a certainement des réalités nationales très différentes en fait dans le rugby. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, en Argentine par exemple, c'était un sport qui était pratiqué par les élites, puis tout simplement parce que le sport le plus populaire en Argentine, c'est le football. C'était le cas en Angleterre aussi. Aussi hein. Importé par. C'est le cas partout en fait. Le foot c'est plus populaire que le rugby en permanence. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça l'est, un sport d'élite ou un sport blanc pour différentes raisons. En Angleterre, c'est aussi un sport de classe supérieure au départ. En France, je pense qu'il y a quelque chose d'assez différent, alors, ou qui correspond peut-être plus à une ruralité plutôt qu'à une culture de collège, de sport de collège comme on peut l'avoir. Voilà. Et puis je pense qu'ensuite, peut-être qu'en Afrique du Sud, il y a quelque chose de propriétaire terrien, de fermier, qui est complètement lié aussi du coup à des politiques de ségrégation, où c'est un sport de blanc parce que c'est les blancs qui décident de jouer. Je pense qu'il faut pas mélanger le rugby. De la société, c'est pas ce que je veux dire, c'est que le rugby en soi ne porte pas, n'est pas racialiste. C'est pas du tout ce que je veux dire, c'est que les conditions sociales d'accès à ce sport, c'est pas qu'elles favorisent, c'est qu'elles sont constituées au départ par des couches de la population qui sont plutôt, on peut dire blanches, mais c'est pas le terme, rural ou classe aisée supérieure, etc. Après, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, en contrepartie, après je m'arrête là, c'est que je trouve qu'il y a du coup une ouverture assez importante en fait du rugby. On voit aujourd'hui le championnat de France, il est complètement différent. Alors, en termes de catégorie sociale, je pense, d'origine ethnique, que ce qu'il était auparavant. On a beaucoup plus de joueurs issus de la diversité ou de l'immigration postcoloniale qui jouent aujourd'hui et qui sont professionnels dans le rugby à 15, par exemple. Ça, je disais tout à l'heure que c'est peut-être en train de changer, quoi. Pardon, moi, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui m'a dérangé, c'est que tu as commencé à parler de l'Afrique du Sud et de son rugby. Mais l'Afrique du Sud, c'est pas le rugby qui était genre ségrégationniste, quoi. C'est oui, le pays, quoi. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais en Angleterre, tu vois, par exemple, dans le foot anglais, il y a toujours eu des noirs, et au rugby, c'est vrai que c'est quasiment 0%, quoi. Mais n'importe quoi. Non, c'est trop, on peut t'en citer. Mais n'importe quoi, mais non, mais vous rigolez, quoi. Mais c'est très faible, Jeremy Guscott, voilà, dans les années 90. Mais Mehdi Benarous, les frères, comment ils s'appelaient, les ailiers bleus, c'était un peu Benarous, quoi. Bastaro. En anglais, moi, j'étais la même chose. Bien sûr, t'as Benson, t'as Jimmy Camara, bon, il y en a. Alors en France, c'est un phénomène assez différent puisque très souvent, quand même, c'est des formations. Par exemple, il y a le club de Massy qui est un super club formateur, et c'est lui qui va en général faire en sorte de former. Le truc, c'est qu'il y a très peu de clubs formateurs qui sont ruraux en général, enfin qui sont des clubs. Enfin, les clubs formateurs en général, il y a le Stade Toulousain et les clubs parisiens sont quand même des, notamment Massy, donc. Mais parce que c'est Paris. Bien sûr, mais c'est vrai que on pourrait penser par exemple qu'à Toulon, au niveau de la formation toulonnaise, voilà, ce soit plus représentatif peut-être d'une diversité toulonnaise. Mais c'est une question que je pose. C'est pas du tout. Voilà, c'est intéressant de voir, comme le disait Dondé, que le rugby, voilà, sa représentation telle qu'on la voit visuellement à l'écran, elle est intéressante et elle montre bien, comme pour exemple sud-africain, le racialisme sud-africain à l'époque, ou un état de la société française représenté dans sa ruralité en France aussi. Mais donc, l'Afrique du Sud, je pense qu'il y a un paquet de blacks en ce moment dans l'équipe. En équipe de France, pareil, il me semble, quoi. Non ? Enfin, je suis fou ou pas ? Non, je suis assez. Il y a Benarous, il y a Fofana, il y a, je sais pas. Y a... Oui, mais après, maintenant plus en France, plus maintenant qu'à une époque, c'est clair. Oui, mais après, si on parle du rugby des années 80, c'est sûr que 90, donc, là, on est un peu à la bourre. Mais, Non, mais même 90. Mais de toute façon, il y en a quand même moins que dans. Après, c'est ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est plutôt l'utilisation médiatique qui est faite du rugby, en fait, qui pose problème. Après, bon, c'est un débat. Bon, c'est délicat, mais très souvent, j'ai l'impression que les commentateurs télé revendiquent le rugby comme étant des valeurs qui sont assez nobles par opposition à celles du foot. Et donc, on a toujours ce truc. Nous, on a eu ce débat sur le foot avec la question des joueurs banlieusards dans le foot, avec notamment de tout le questionnement et l'analyse que peut faire, par exemple, de cette question le sociologue Stéphane Beau. Mais du coup, je trouve qu'on est assez fréquemment dans cette opposition des vraies valeurs incarnant un esprit français, le French flair, quelque chose qui est associé aux valeurs profondes, à l'essence de la France qui est de l'ordre du rugby. En fait, on met en lien la question de la ruralité avec la question des valeurs du rugby et qui sont fondatrices à la fois du rugby et de la société française. Ouais, c'est pas moi, c'est ça que je trouve que... On dirait qu'il y a un truc beaucoup plus d'esprit collectif dans le rugby toujours, alors que le foot est aussi un sport collectif, alors que ça fait de plus en plus l'apologie du self-made man, presque, de celui qui réussit plus au-dessus des autres et tout ça. C'est vrai que le rugby a l'air de véhiculer toujours dans l'esprit des gens ce truc-là beaucoup plus... Moi, j'ai l'impression que là, vous avez genre 10 wagons de retard, quoi. Je vois pas le rugby comme ça du tout, quoi. Ça nous étonne. Je crois que le rugby, maintenant, porte en haut un type plus que devant la starification dans le rugby. Non, mais j'ai l'impression que le rugby est juste ouvert à tout le monde. Et, je suis d'accord avec ça. C'est Black Blanc Beurre, là, où on fait la. Non, on pose la question et vous y répondez, mon cher Ronald. C'est bien. Merci. On disait pas ça en plus. Merci, Doc. C'est par rapport à la mise en scène de qu'est-ce que c'est le rugby à la société française par rapport à qu'est-ce qu'est le foot par rapport à la société française. Pas du tout le fait que le foot soit pas, ou le rugby soit pas du tout cosmopolite ou pas ouvert, etc. C'est plutôt la manière dont on va opposer les deux, que moi je trouve... qui est assez récurrente, en fait, je trouve ça systématique. Il y a un côté assez nationaliste, en fait, dans le commentaire du rugby. T'as les Bleus de France, avec en mode un truc assez guerrier, du combat, etc., avec une assise, voilà, rurale, les vraies valeurs, les mecs qui se filent, c'est la troisième mi-temps, c'est les diens de solidarité, on est tous ensemble, on fait la fête ensemble. Mais c'est quoi le lien entre rural et solidarité ? Alors, ça s'appelle les solidarités mécaniques, je sais pas, mais c'est... Je suis perdu, pardon, mais... côté vieille France, le rural, ce qu'on entend ça. Alors c'est moi, quand je mate un match de rugby, j'ai pas du tout cette impression vieille France qui me saute à la gueule, quoi. Non, mais c'est pas en matant le match, mais c'est plus dans les commentaires qu'il y a autour. Il y a un Australien ou un Sud-Af à l'arrière. Clairement, en vrai, enfin, le deal, c'est qu'on s'en tape complètement, en fait. On sait pas vraiment, enfin, il y a aucune analyse vis-à-vis de ça, en fait. De savoir si t'as un Fidjien. En fait, moi, le seul truc qui me pose une question de temps en temps, c'est de me dire, ok, c'est un mec qui a une nationalité qui est différente et peu importe sa couleur de peau, machin, bidule, et qui joue en équipe de France, auquel cas, bah, effectivement, je peux me dire, bah, oui, pour revenir sur le premier débat qu'on a eu, bah, à mon avis, tu peux trouver des joueurs qui sont français, mais peu importe leur couleur de peau, machin, bidule, on s'en fout, quoi. Enfin, après, ça va pas plus loin que ça. Enfin, moi, ça m'emmerde, par exemple, un mec comme l'arrière, là, actuel. Scott Spinning. Alors, Antoine va me contredire, évidemment, comme d'hab. Moi, j'aime Ronald. Pas trop le joueur. Je trouve très lent, tu vois. En plus, j'aime pas du tout. Il est d'origine néo-zélandaise, je crois. Non, il est sud-af. Sud-af, ouais. Encore pire. Je trouve ce mec tellement lent et tout. Je sais qu'on a des arrières qui sont absolument fougueux, enfin, avec une créativité. Le mec, là, ça m'emmerde, tu vois. Là, il y a effectivement une question qui se pose. Et d'ailleurs, Laporte la pose aussi, quoi. Il se dit, bah non, en fait, moi, je préfère qu'on aille chercher dans notre vivier. Mais tu peux pas être derrière Noves et en même temps questionner le choix de la sélection de Spedding à la place de Brice Dulin, tu vois. Ah non, mais si en fait, Brice Dulin, il est pas là, c'est d'accord. Qu'il a une bonne raison, quoi. Mais d'accord. Non. Mais alors, moi, à la base, j'ai intervenu sur le fait que il fallait. J'ai intervenu parce que j'avais bu quelques bières sur le fait que. Oups. Il fallait chercher en amont, quoi. Donc c'est pas le problème de Noves, c'est juste que il faut repenser le recrutement de nos joueurs qui vont jouer en élite, ça a rien à voir, quoi. Et on n'a pas besoin d'aller chercher des mecs qui sont d'origine sud-af ou n'importe quoi. Alors du coup, si on peut basculer là-dessus, on parlait tout à l'heure des contrats fédéraux, enfin c'est possible ça ou pas ? Bien sûr. En fait, voilà, ouais, moi donc logique. Je pense que c'est une bonne idée dans le texte, toi, de faire effectivement genre de mettre des joueurs sous contrat, de les maintenir à disposition de l'équipe de France pour créer du lien, pour créer un groupe. Mais sauf que le problème, c'est comment c'est possible, en fait. Comment tu fais après, comment tu ménages les clubs avec leurs joueurs, et après, comment tu vas dire à ces mêmes clubs, ok, bon, on te prend un tel, on te le prend 6 mois, on s'en bat les couilles. Donc, Bon, on te le paye si tu veux, mais sauf que le mec s'en bat les couilles de l'argent. Mon avis, c'est que ça marche pas. C'est des titres et du. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. C'est, de toute manière, on essaye une fois de plus, et alors, pour le coup, on calque un modèle une fois de plus anglo-saxon, qui ne fonctionnera pas en France, quoi. On a pas besoin de ça, quoi. Laporte prêche cette parole, mais je pense que c'est juste leurré sur un modèle qui est pas le nôtre, quoi. La question, c'est comment c'est. Après, peut-être que ça va marcher, mais la question, c'est comment. Non, parce qu'on veut que ça marche vite. Il va falloir trouver un modèle, quoi. Tout le problème de l'équipe de France, c'est qu'effectivement, il y a une frustration. Donc, le rugby est médiatique, donc il faut que ça vende. Donc, maintenant, on passe à la télé, il y a des droits, machin, bidule. Donc, il faut gagner. Donc l'idée, en fait, simplement, c'est que l'équipe de France doit gagner très rapidement. Donc les solutions pour gagner rapidement, c'est soit d'aller chercher des joueurs étrangers que tu naturalises, soit effectivement de passer sur ces contrats fédéraux. Voilà. Donc si tu pars sur ce principe-là de gagner la prochaine Coupe du Monde qui est dans 2 ans, il faut passer par ce principe-là, quoi. Tu n'as pas le choix. Après, mais du coup, donc c'est au détriment de ton championnat domestique, mais quoi. Évidemment, voilà, quoi. Et c'est là où moi je suis pas d'accord. Moi, je kiffe le top 14, j'ai envie de le mater tous les jours. C'est ça qu'on a toutes les semaines, quoi. C'est pas et le top 14, monde, en fait, tu ne le mates pas parce que tu travailles beaucoup. Mais le problème, c'est que le top 14, maintenant, ça devient un peu chiant, réellement. C'est ça qui se passe, quoi. Ça devient un peu un championnat pas ouais, très intéressant. Parce que les mecs, quoi. Ils calculent, machin, ils savent que dans les 6 premiers, ils sont bons, tu vois. Et puis après, ils vont aller aux phases finales. Mais après, quand tu t'intéresses aux phases finales au printemps, là, quand tout le monde est guilleré et tout, ça devient intéressant, vraiment. Bah, on peut se poser quand même la question de savoir s'il n'y a pas beaucoup trop d'argent dans le top 14 et même dans la Pro D2, puisque on a quand même des clubs qui sont tous richissimes. Même en Pro D2, ils n'arrivent pas à recruter de joueurs hexagonaux quasiment. C'est complètement dingue. En fait, la situation, c'est que tu as des clubs qui sont richissimes, tu en as peut-être 24 en France. Et le problème, c'est que toutes les autres fédérations, on va dire, des hémisphères sud, bah, elles se sont fédérées en termes de provinces. C'est-à-dire qu'elles font en sorte de faire moins jouer les gens pour qu'ils réussissent, en fait, à jouer dans leurs équipes nationales. Et en France, on n'y arrive pas. J'aimerais parler juste d'un truc, mais c'est juste génial, quoi. Le lien, il est tout fait, quoi. C'est l'Écosse. Cette année, c'est 90 joueurs dans le pays, professionnel. 90 dans le pays? Ouais. 90 seulement. Professionnels. Ils sont 90. Il y a deux clubs, enfin, qui marchent. Donc, en l'occurrence, Édimbourg et. Après, quand tu prends que les meilleurs, que tu. On voit les résultats. C'est, ils jouent pour éviter la cuillère de bois. Mais mec, tu rigoles. Non, attends, ils ont battu les Gallois, là. Et alors, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que là, ils ont revu le truc des nations dans le monde. En fait, les Écossais, apparemment, sont passés 5e ou 6e. La France est 8e, bordel, quoi. Il y a 90 joueurs payés là-bas, quoi. Ouais, mais après, c'est ça. Non. Ça, c'est comment tu fais le découpage. Tu sais quoi, ils ont une équipe en Coupe d'Europe. Tu le fais, et puis après... Ils ont Édimbourg et Glasgow. Mais par contre, ils ont une politique qui est en amont, où tu gardes tes joueurs, tu les formes. C'est trop élitiste, quoi. C'est trop élitiste. Après, c'est un truc vivant, tu vois. T'es pas là que pour gagner la Coupe du Monde. Mais non, mais 4 enfin, tu te rends compte quand même la différence. T'es là pour faire régaler les campagnes. Mais moi, l'Écosse, l'Écosse me fait rêver, quoi. Cette année, pour moi, c'est le tournoi de l'Écosse. J'attends vraiment, enfin, ils ont quand même battu, donc, l'Irlande et le Pays de Galles. Ils sont tombés contre les Français et je suis. Et on sait pas comment. Je pense que non, ils auraient dû battre les Français. Tu te rends compte que cette année, en fait, l'Écosse est en train de devenir une nation, mais hallucinante sur ce putain de tournoi. Merci Vern Cotter. Voilà, est-ce que c'est pas tout simplement une question d'entraîneur? Mais évidemment, non, c'est pas du tout une question. Enfin, c'est si, non seulement une question d'entraîneur, mais c'est un ensemble, les gars, quoi. Vous êtes fous, en fait. C'est évident que le mec, il va pas juste former des joueurs en 2 ans, c'est pas possible, toi. Donc, il a gardé ses joueurs, enfin, à part les deux frères, les frères Gray, en fait, qui jouent, je sais plus. Seconde barre. Deuxième ligne. Ils jouent à l'étranger, ils jouent en France, mais. Non, t'en as un en Écosse et un. À Gray, ils jouent plus en France, ouais. Mais en fait, ils sont deux. C'est deux frères, Je peux te dire que j'ai épluché pour voir les histoires du championnat. Il me semble que t'en as un à Toulouse et l'autre doit être à Glasgow, quoi. Bon, on a fait le tour de la question. Le temps passe, chers amis, sur Radio Galère. J'espère, chers auditeurs, que vous êtes bien dans la bite dans la porte, tome 3. Nous allons marquer une petite pause avec un très beau morceau intitulé Rugbyman de Grishnak. Je ne sais pas qui est l'auteur de cet attentat musical. Il a une barbe, je pense. On va écouter tout ça et puis on reviendra pour la fameuse troisième mi-temps. T'as entendu? On se retrouve après ce petit morceau, si vous voulez bien. Je sors de chez moi, je rencontre un rugbyman. Il a vraiment un air très bon, il s'exprime comme un bonnet. Il me demande si j'ai déjà frappé une femme. Il sourit doucement et se dos-encule jusqu'à mourir de douleur. Une autre fois, au supermarché, au rayon féculent virgule, je vois une belle pine. Je la saisis et la tire vers moi, mais elle n'a pas de faim. Je fais mes lacets avec et je repars en galopant. Je sais que maintenant, plus jamais je ne trébucherai. Quand j'y repense, je ne sais pas quoi dire. Alors je regarde ta sale tête de con et quand même, je me sens mieux. La pitié se mélange à la peur de ressentir ta souffrance quotidienne. Tu es une flaque de vomi dans laquelle aucun cul de jatte ne glissera jamais. Prends-moi donc un service. Va me chercher une bonne baguette bien cuite et fous-la dans ton cul pendant que tu t'immoles. Ça me fera des croutons, tu sais, pour mettre dans ma soupe. Si je pouvais changer ton nom de famille, je t'appellerais Soupière. J'espère que ça te plaît. J'ai hésité avec sac à foutre. Ah là là, je t'aime autant qu'un dauphin aime Pipo. Parle de Pipo, l'enculeur de dauphin. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que tu as bien kiffé mon son de malade et mon flow de princesse. Petit PD, si tu étais nu devant moi, je te couperais les couilles avec une scie rouillée. Imagine-le vraiment dans ta tête et c'est épais. Donc nous revenons en direct dans Débattons dans Guirou, volume 3. Mm-hmm. Troisième amis, mi-temps. Chers amis, troisième acte, troisième mi-temps. Mon cher coach, nous troisième allons parler lancement de parole. Dans cette troisième mi-temps, de cuillère, de fourchette, et puis au final de tête 2, peut-être avec un couronnement sous une forme un petit peu spectaculaire dont vous n'aurez que l'audition, chers auditeurs, hélas, puisqu'il s'ensuivra une bataille de dur dont le coach a le secret. Voilà, eux qu'il a cuit dans son dispensaire et qu'il va nous a généreusement régalé. Et nous verrons, en fonction de chaque équipe, qui emportera ce tournoi des six nations, puisque nous sommes maintenant six autour du plateau. Et si c'est l'œuf de l'Italie qui gagne? Vous pensez vraiment que c'est l'Italie qui a gagné le tournoi? Oh merde! Le point de bonus, ce sera sur certainement sera le nouveau point de bonus qui nous permettra de faire basculer l'Italie en tête. Je veux pas être l'Italie. Ce sera tiré au sort. Chacun son neuf. On ne jouera les pronostics à travers ces matchs de dur que seulement sur les deux dernières journées du tournoi des six nations. Donc il n'y aura en fait que trois matchs. D'accord. Mon cher coach. Qu'avez-vous pensé de ce débat sur la nationalité? Est-ce que vous êtes pris de parti pour certains de nos invités? Ou est-ce que finalement, tout ce débat vous a laissé quoi? De marbre, de glace? Non, il y a deux choses. Moi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est cette idée que finalement, tous ceux qui ont envie de venir jouer, jouent. Oui. Voilà, et qu'on ne se pose pas plus de... Et donc finalement, cette question de la représentation revient à une question finalement d'image générale du sport qui peut éventuellement être dissuasive pour ceux qui pourraient avoir envie de jouer. En se disant finalement je ne vais pas venir parce que c'est un sport de blanc. Et je vais aller faire du foot parce que, etc., etc. Après moi je n'ai pas d'idée particulière par rapport à ça. Du coup, c'est bien pour tous les jeunes noirs qui nous écoutent de se dire qu'ils veulent aller au foot, quoi. Venir jouer au rugby. Non, mais allez, gros, venez au rugby, quoi. Allez, venez au rugby, quoi. Venez défoncer du blanc. Voilà, faites un appel. Faisons un appel sur ce plateau. Que tout le monde vienne jouer au rugby. Hommes, femmes, enfants, ouais, vieillards. Tous, venez les petits, tous. Les gros, les grands, les Thomas, les roux, les tout ça, quoi. Vous avez même si ceux qui n'ont pas de barbe ont le droit de venir jouer. Même les non-barbus. Où ce sera derrière, par contre, quand même. Alors, dans les boutiques de l'arrière-cuisine, de la troisième mi-temps, effectivement, on file souvent la métaphore culinaire à coup de cuillère. Vous nous rappelez, mon cher Thomas Cantini, la définition d'une cuillère en rugby? Du coup, la cuillère, ça n'a rien à voir avec la troisième mi-temps, me semble. C'est un mode de plaquage, non? C'est sûr, c'est sûr. Tout les biscottes, ouais, voilà, quoi. Ouais. Fait, ouais. Non, alors la biscotte, c'est autre chose. Mais la cuillère, c'est simplement de laisser partir ton attaquant et de faucher gentiment le bout de son pied par derrière, de manière à ce qu'il se vautre lamentablement sur le ballon et se pète une côte. Ce qu'il se fasse une sorte de Ravanelli, comme on dit dans le football, c'est-à-dire un auto-croche-pied. Voilà. Ah, c'était bon, d'accord. Ça, c'était bon. C'est vrai. Merci, Ravanelli. Ouais. On décale légèrement son talon, puisque pour qu'il se fasse un. Je me permets d'insister sur le fait que Ravanelli est italien une fois de plus, et que vraiment j'ai du mal avec les Italiens. On sait que la cuillère, c'est aussi une position du Kama Sutra, hein, si je ne m'abuse. Bien sûr, 368. C'est aussi le service de Michael Chang. Entre le pervers et le tennisman. Et la cuillère de bois, non? Parce que moi, on parle pas de cuillère de bois. Alors ouais, cuillère de bois, tiens, est-ce que quelqu'un peut me dire nous parler de la cuillère de bois dans les fesses, c'est ça? Ne pas confondre avec la cuillère de Nutella. La cuillère de bois. La cuillère de bois, des informations à ce sujet? Bah, cette année, c'est Italie, c'est sûr. Ah bah oui, bah, en même temps, ils sont à moins de 200 points. Donc, les Italiens, ils y ont droit. On n'a pas encore joué contre eux, voilà. Donc faut se méfier. Si nous mettent 80 points, on peut encore être cuillère de non, non, les Italiens vont... Cher docteur, est-ce que vous avez des informations confidentielles à nous donner sur l'origine de ce terme, cuillère de bois, pourquoi pas cuillère de plomb, pourquoi pas... Bien, c'était tout simplement un terme qui faisait référence à l'autre extrême, la cuillère d'argent que goûtaient avec une grande délectation nos amis en général anglais. Ils réservaient donc très souvent la cuillère de bois à ces mineurs gallois ou à ces mangeurs de patates irlandais, voire à ces habitants du marais écossais. Voilà. Tout simplement. C'était une question, à mon avis, d'ordre social. Tout de lutte des classes, quoi, tout simplement. De, classes, de réaffirmer une domination culturelle. On y revient. Putain, vraiment, tu veux qu'on parle de la ruralité, hein? T'es fatigant, quand même. Ah, je parle pas de ruralité. Il se trouve que. Non, pas toi, mais mon acolyte d'en face, là. Jean 2. Jean 2, oui. Mais on peut parler à la définition de la fourchette, mon cher Ronald. Ah, Ronald, qu'est-ce que c'est qu'une bonne fourchette? Vous avez joué, me semble-t-il, le troisième ligne L. C'est exactement pas, du tout. Pas ça du tout. C'est moi qui ai joué le troisième ligne L, lui il a joué. Mais le 10. Une bonne fourchette, c'est une fourchette qui est faite avec de l'algipan sur les doigts. Une substance un peu corrosive comme ça qui te. Vous nous rappelez en quoi consiste une fourchette? La fourchette, c'est un peu genre les doigts dans les yeux. Tu vas comme ça, tu fonces. Vous ne montrez que votre index. Ouais, bah oui, parce après, après c'est vraiment très dur, hein. Deux yeux dans les deux doigts en même temps, c'est un peu compliqué, faut. Antoine jouait 10, du coup, il avait pas vraiment l'habitude de ces us et coutumes. Non, mais tu sais, en fait, au rugby, on dit qu'il y a ceux qui bougent le piano, enfin, qui déménagent le piano, et t'as ceux qui en jouent. Personnellement, j'en joue. Mais pas au pied, jamais. Au pied, ça, il a pas. Non, fourchette, c'est deux doigts dans, bah, quoi, c'est deux doigts dans les yeux, quoi, crac, comme ça, ça. D'accord. C'est plutôt un travail d'avant, mon cher Thomas. Ah, carrément. Un travail de mêlée, par exemple, nos amis talonneurs, sont-ils si fréquemment exposés à la fourchette que ça, même à un petit niveau? Ah, c'est pas vraiment les talonneurs, c'est vraiment les personnes qui se retrouvent dans un mall, et donc là, on est un peu tous serrés et un peu cachés, donc là, tu peux mettre une mornifle. Ou une fourchette, c'est ça qui se passe, parce que du coup, t'es pas vraiment dans les regards du... Mais alors, est-ce que la fourchette, c'est un coup furtif? Ou c'est vraiment, on peut y aller franco et... Ah non, c'est méga furtif, ah non, c'est interdit. Ouais. Là, tu prends... Non, je sais que c'est interdit, mais... Tu prends suspension directe, non, t'es banni, c'est anti-rugby, Non, mais là, du coup, il y a une nuance, quoi. Alors, si on parle du rugby championnat d'Europe, machin, bidule, effectivement, tu peux prendre une... Ouais, mais là, pour le coup, c'est vrai, là, c'est clair. Mais en amateur, c'est ça que vous voulez dire. En amateur, pardon. Mais ça se fait jamais, non, mais faut... C'est comme un... En fait, la fourchette, c'est un peu comme un coup de pied dans les couilles. En fait, en gros, ça se fait pas, quoi. En gros, t'as pas de figure si tu le fais, quoi. C'est juste improbable. Et si tu le fais, pour le coup, tu te casses rapidement, ou alors effectivement t'as un mec qui te bat absolument et tu te bats avec toute l'équipe, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc à pas faire. Ouais. D'accord. Donc ça se pratique. Imagine les yeux, quoi. En réalité. Écoute, moi j'ai jamais pris de fourchette. Toi t'en as pris? Pouf, un paquet. Non, jamais, mais non, mais pas une seule, mais non, mais ça se fait pas. Alors pourquoi toutes ces histoires de fourchettes, notamment touchant les joueurs français depuis un certain nombre d'années, hein, depuis je pense 5 ou 6 ans, on a eu pas mal de joueurs français qui ont été suspendus pour des durées assez longues. Est-ce que c'est une cabale des médias anglo-saxons contre la soi-disant brutalité des Français, voilà, qui avait atteint son apogée lors d'un célèbre France-Angleterre où il y avait eu 3 expulsés? En quelle année? Je pense que en 93 peut-être, mais je sais pas. Ouais, mais c'était avec le fameux Vincent Moscato peut-être, qui est toujours suspendu. La fourchette, on en parle parce que en fait ça se fait tellement peu souvent que quand ça arrive, voilà, ça fait la une des médias, tu vois, grosso modo. Mais sinon, ça arrive vraiment jamais, quoi. C'est le geste le plus abominable que tu peux faire quasiment en rugby, quoi. L'histoire de bagarre au rugby, en fait, il y a ça, et puis le coup de pied au mec au sol, normalement, c'est un truc qui se fait pas trop non plus. Enfin, oui, tu fais un... Et c'est pour ça que quand ça arrive, malheureusement, malgré tout, et ben du coup, bah t'en parles parce que c'est le côté genre sensationnel de l'histoire qui fait que voilà. Le fameux stamping, c'est-à-dire on piétine quelqu'un qui traîne derrière le rock. Non, moi je parlais du savatage, le rocking, c'est autre chose, mais vraiment le truc en mode bagarre et puis tu mets un coup de latte. Non, ça arrive plus. Ça, maintenant, enfin, tu vois, je t'ai demandé genre en quelle année. Tu me dis 93, il me semble que maintenant, enfin, la fourchette, ouais, peut-être il y a eu une histoire il y a un an ou deux, mais ça arrive quasiment plus. Enfin, c'est. C'est le geste qui. Enfin, je pense que. Enfin, tu fais pas. En rugby, ce qui est bien, c'est pas comme le. Enfin, vas-y, mais dis ce que tu voulais dire. Non, je veux pas le dire. Je veux pas le dire. Oh, si, dis-le. Non, je le dis pas. Non, je le dirai pas. Non, mais au rugby, non, tu fais pas des gestes que tu voudrais pas qu'on te fasse. Du coup, tu. Voilà, tu fais pas la fourchette. Ouais. Tu vas pas taper un mec. Tu vas pas taper un mec? J'ai pas fini ma phrase. C'est vraiment la vision bisounours. Non, rugby, justement non, quoi. Non, c'est la vision. Mais c'est respect. Le rugby, c'est respect, quoi. Vraiment, c'est voilà. Attends, mais t'as tellement de moyens de. On en revient sur les valeurs du rugby, les belles valeurs du rugby. Alors, tu fais bien d'en parler. Pourquoi tirer à te faire chier à faire des coups de travers, quoi. Alors le problème, c'est que, enfin, donc Antoine joue demi d'ouverture. Donc effectivement, il y a des moments où tu peux mettre des. Au stade toulousain. À Salon. Mais le problème, c'est, enfin, c'est là où t'as des valeurs du rugby, c'est que effectivement, tu peux te lancer dans une violence, mais si tu pars dans une, a priori, c'est comme ça qu'on raisonnait, c'est que si tu te lances dans une mornifle ou une patate à un mec, c'est que effectivement, il y a eu un problème, notamment des trucs de hors jeu. Si un mec te tient, enfin, tu peux y aller, quoi. Ça sera à notre niveau, c'était plus ou moins toléré, quoi. De là, mettre une fourchette à un mec ou un coup de pied dans la gueule à un type qui est au sol, non, jamais, quoi. Ça, nous, on le fait pas, quoi. Enfin, en tout cas, puis ça se fait pas du tout à haut niveau non plus, quoi. Je crois pas. Bon. En tout cas, plus maintenant dans le rugby qui n'est plus le rugby rural. Après, Olivier Merle a certainement fait ce genre de conneries, mais Olivier Merle avait une réputation, il fallait l'assumer. Oui, puis il faisait 2m30 et 180 kilos, donc lui, on l'emmerdait pas trop. Quoi, moi avec mes 1m60, ça passe pas. Oui, Thomas Quentin, 1m59, 12 kilos. Olivier Merle avait le mérite d'incarner cette région qui n'existera, hélas, jamais, le Massif Central. Bah oui, voilà, mais c'était lui le Massif Central. En fait. Mais vous parliez de, on parlait de fourchettes, de cuillères, et vous évoquiez peut-être les couteaux qui sortiraient dans un rugby non rural pour compléter la panoplie des ustensiles de cuisine, mon cher Ronald. Est-ce que c'est un rugby que vous appelez de vos voeux, finalement? Le bestial rugby? Le bestial rugby? Non, mais moi je dis couteau. Non, j'ai des coups dans les couilles, mais bizarre, je veux des couteaux. Pourquoi je dis couteau? couteau, non, je ne pense pas. Alors passons à la dégustation, peut-être, mon cher coach. Les œufs. Oui, donc moi j'ai écrit ma petite croquine sur finalement cet objet qu'est le ballon. En essayant de lui trouver quelque chose qui est d'ordre symbolique, voire un petit peu même antique ou philosophique, lié à cette proximité formelle qu'on peut retrouver par rapport à l'œuf. Voilà, l'œuf, le fort originel. Donc j'ai convoqué deux meneurs de jeu, que sont les philosophes Michel Serres à l'ouverture et Platon à la mêlée. Et je laisse Samuel Beckett sur le banc pour attendre Godot. Alors je rappelle que Samuel Beckett était neuf, a joué neuf à son époque, et voilà, il y a eu ses heures de gloire dans l'équipe du 15 de la rue d'Ulm. Alors pourquoi le ballon? Tout bêtement parce qu'au rugby, il ne faut jamais tomber le ballon. À la question préliminaire, qui du ballon, qui du rugbyman, ma réponse est évidente. Au commencement, il y a la boue. La boue, B-O-U-E, le sang plasmique de la terre comme du boue d'un cru. Et de la boue de l'origine naît un gros œuf, une balle de cuir jadis corsetée au lacet, un ballon à deux bouts. Vous noterez que le ballon n'a ni une forme de haricot, ni de mouchoir, ni de parpaing, ni de putois, ni de canette de bière, ni même de disque de Michel Sardou. Je dédicace ce petit passage au docteur. Non, le ballon de rugby est ovale. Parce qu'une sphère, c'est uniforme. L'uniforme de la sphère est celui des géométries programmées, celui des corps célestes qui font les 100 pas, celui des obèses qui deviennent leur hamburger. Avec son ovale d'œuf de boule tordue, le rugby fait encore entendre son côté artisanal, son esthétique fait main, sa métaphysique pas finie en quelque sorte. Le ballon n'est pas une perle de poule de luxe comme pour le foot, c'est un truc qui sort tout chaud du cul d'une poule. Et avec une forme pareille, impossible pour le jeu de tourner en rond. Alors Michel Serres, pour commencer. Michel Serres, il n'est pas franchement d'accord avec la généalogie de la boue. Le cœur est ovale certes, mais demeure une forme indéniablement utérine selon lui. Il dit que celui qui manipule le ballon, même le meilleur jongleur d'entre tous, est un petit joueur. On appelle ça dans le jargon un nain de jardin ou un footballeur. Le vrai rugbyman, lui, s'il joue comme l'autre avec le ballon, joue aussi le ballon. Son corps est adapté au ballon, car c'est le ballon qui est le sujet du sport. C'est le ballon la genèse, c'est le ballon la muse, c'est le ballon qui joue, c'est le ballon le sujet de la rencontre, et les autres sont les serviteurs du ballon. C'est le ballon vers lequel tout le monde va. C'est le ballon qui désigne l'homme à battre, c'est le ballon qui conduit l'équipe, c'est le ballon l'objectif de la lutte et de la folie, c'est le ballon qui donne la vie au jeu, et au final, c'est le ballon qui marque. Et donc, le ballon est dans une société celui qui fabrique la société, c'est le ballon le lien social. Sans ballon, un match ne serait que le spectacle d'une tribu d'orphelins errant sur le terrain. Alors la forme universelle ovale traduit donc l'amour du ballon pour Michel Serre, et non pas l'invention d'un démiurge lourdeau et priapique, hein, pas même foutu de dessiner un rond bien, bien propre. Non, le ballon que tape à suivre Michel Serre, il est primordial et fusionnel dans le sens matriarcal. Il incarne la naissance symbolique du monde. C'est lui qui donne sa forme au jeu et à ses membres. Le ballon, c'est l'œuf originel, la forme index de la création, l'élément zéro, et ce n'est pas un hasard de retrouver les contours du chiffre zéro dans le dessin du ballon de rugby. Donc cette première analyse est parabolique, poétique, ça peut sembler pas très orthodoxe, mais quand on regarde le physique des avants, leur forme ovoïde, on se dit que cette hypothèse préhistorique au dieu du stade n'est pas complètement extravagante. Platon, lui, pousse plus loin dans l'exégèse et il nous extrait un ballon fœtal de la mêlée, de la boue humaine. Le ballon de Platon est polymorphe. Alors on peut retrouver ça dans son fameux livre qui célèbre l'éternel troisième mi-temps, qui s'appelle Le Banquet. Donc voilà, donc je vous demande quand même de faire attention. L'idée de Platon va mettre un petit peu à bas l'idée guerrière que le rugby est l'expression de la virilité. Donc au commencement jadis, la nature humaine se déclinait en trois genres. Mâle, femelle et le troisième regroupant les deux autres en une forme primitive, l'androgyne. Donc rien à voir avec l'androgyne d'aujourd'hui. La thèse symbolique du sport défendue par le penseur athénien est la suivante. La forme du ballon de rugby vient de l'androgyne originel qui se définit ainsi. La forme de chaque individu constituait un tout, avec un dos arrondi et des flancs bombés. Il avait quatre mains, le même nombre de jambes, deux visages tout à fait pareils sur un cou parfaitement rond. La tête unique de deux visages à l'opposé l'un de l'autre. Il avait aussi quatre oreilles, deux organes de la génération, et le reste à l'avenant autant qu'on peut l'imaginer. Il se déplaçait en ligne droite, dans le sens désiré, mais en prenant de la vitesse, il opérait des culbutes acrobatiques. Les androgynes primitifs étaient dotés d'une force terrible, d'une vigueur incommensurable et d'un courage immense. Ils tentèrent d'escalader les cieux pour défier les dieux et pour les punir. Zeus les coupa en deux tranches de cette division, naquirent les deux autres genres. Cette déchirure originelle est l'explication de l'attraction mutuelle homme-femme, le désir conditionné de retrouver son complément et ne faire à nouveau qu'un seul tout. Et si un mâle rencontrait un mâle, il se trouverait au moins une satiété non thérapeutique dans leur rapport entre moitié d'eux-mêmes. Celle qu'on appelle l'amour du jeu, celle qui va les rassembler dans une jouissance commune. Ils se tourneraient vers l'action physique, la confrontation fraternelle, l'unité par l'adversité, etc. Ils chercheraient donc, dans leur jeu physique, à retrouver leur forme ovale, à redevenir ballon. Et c'est donc ainsi que naît le rugby. Bravo coach. C'est bon de le savoir. Et sinon, donc, un truc qui n'a rien à voir, mais que je tenais quand même à spécifier dans cette émission en guise de conclusion. Voilà, moi, ce dont je rêve par rapport au ballon, en tant que téléspectateur, c'est qu'on enlève les micros aux gars qui commentent les matchs pour les mettre à l'intérieur du ballon. Et on entrerait ainsi tout entier dans une vérité du direct, un direct un peu mythologique, hein, plus chaud dans l'enfer du terrain. On serait à jamais dans le champ, à la fois au niveau de l'image et à la fois au niveau du son. Voilà. Énorme. Bravo. Merci coach. Bravo coach. Merci coach. Donc c'était la croquine du coach autour de la thématique de la poule et de l'œuf. J'espère que vous avez suivi, ce qui nous permet de rebondir directement sur le jeu préparé. Ouais, le concours de glaçons sur le comptoir, c'est ça également. On enchaîne là-dessus. Comment ça se passe? Alors je vais peut-être en dire quelques mots. En fait, donc on va faire une petite performance de match. En fait, il s'agit de faire un exercice divinatoire. Donc ça s'appelle tout simplement de la duromancie, qui consiste à faire de la divination à partir de figures. Par les yeux durs. Ça vous paraît logique, Jean 2 ? Vous avez pratiqué déjà ? Ça me parle. C'est une méthode de divination plutôt connue dans l'hémisphère sud. Mais ah oui, c'est ça. Ouais. C'est plutôt maori. En quoi est-ce que ça consiste, mon cher coach, exactement ? Alors, c'est extrêmement simple. Il faut qu'il y ait 6 participants. Chacun de ces 6 participants prend 2 œufs. Ah. Et mon cher, venez alors quoi. Que vous allez prendre 2 œufs. Voilà. Allez prendre une paire d'œufs, mon cher. Paire d'œufs. Et en fait, on va donc jouer tout simplement les 3 matchs de la 4e journée, et les 3 matchs de la 5e et dernière journée. Donc, il nous faut un pays de Galles, une Irlande, une Italie, une France, une Angleterre et une Écosse. Alors moi je vais mettre le Pays de Galles si vous voulez. Moi je préfère l'Écosse. Je veux pas être l'Italie. En Pays de Galles pour Monsieur Ronald. Écosse pour Monsieur Thomas. France, moi je suis très pas France ah, pour Jean 2. Moi je suis très patriote. Irlande. Irlande pour Dundee. Toi tu vas être l'Italie, je sens. Qui va être l'Italie? Coach. Si personne s'y paye, on est de 6, vous êtes le 6ème. Oui, mais coach, nous n'avons plus que l'Italie et l'Angleterre. Ah, tu peux gagner, hein, mon cher vraiment, coach. Coach, eh bien, je choisis l'Italie, coach, et je vous laisse l'Angleterre. Oh, le grand seigneur. Ça, donc, le coach classe. Se déplace sur le plateau pour ouais. récupérer des œufs. Bien vu, coach. Qu'il a donc, choisi non, soigneusement. Chacun deux œufs, je n'en ai qu'un, moi. Hein. Okay. Chaque participant prend deux œufs, c'est ça? Moi, je suis l'Italie, donc je ne prendrai qu'un œuf, je crois, étant donné que j'ai moins ça de chances de l'emporter. Jean nous avons qui a déjà une défaite de la France. Jean 2 a perdu son œuf. Le premier match, c'est Pays de Galles. C'est intéressant. Ça va, ça va. Le premier match, c'est Pays de Galles, Irlande. Je vais vous mettre une petite musique de fond. C'est qui l'Irlande? Non, c'est pas moi, je suis l'Écosse. C'est qui l'Irlande? Ah, il nous manque l'Irlande. Est-ce qu'on peut repréciser les règles, s'il vous plaît? Non, mais je suis l'Irlande. Ah, il nous manque l'Irlande. Mais non, l'Irlande. C'est l'Irlande. Donc en fait, il faut simplement faire des batailles d'œufs, c'est-à-dire que deux participants, chacun cogne l'œuf de son adversaire. Évidemment, l'œuf qui reste intact est l'œuf victorieux. Duel entre nations celtes. C'est un coup alors. Le Pays de Galles affronte l'Irlande. Un seul coup, les gars. En jeu, une triple couronne. C'est cassé. Pays de Galles. Donc le Pays de Galles va battre l'Irlande. Martin Latil, c'est pour toi. Ensuite Italie-France. Italie-France. France. La France va gagner. Italie décapitée. Angleterre-Écosse. L'Italie est... Et oui, ils sont durs. C'est pas le prochain match. Angleterre-Écosse. Ce sera l'Angleterre. Victoire de l'Angleterre. Cinquième et dernière journée. Cinquième et dernière journée. Peut-être on peut rappeler les scores. Donc Irlande, une défaite. Pays de Galles, une victoire. Victoire de la France contre l'Italie, victoire de l'Angleterre contre l'Écosse. Prochain match Écosse-Italie. Et ça se joue à Murray Field. Et Tommy, c'est bon. Et les Italiens m'ont fait victoire de l'Italie. À l'Italie, ils m'ont pris en traite. Quoi. C'est vraiment les pires, ces putains de rigoles. J'en peux plus. Le prochain match a lieu au Stade de France. Il s'agit de France, Pays de Galles. Je déteste. Il est nickel. Voilà, match nul. Voilà, victoire du Pays de Galles. Victoire du Pays de Galles. Deuxième victoire du Pays de Galles dans le tournoi. Et enfin, le dernier match. Irlande-Angleterre. Je crois qu'il y a un nom pour décrire ce match. C'est quoi Irlande-Angleterre? Il y a un trophée spécial, non? Le Crunch. C'est pas la Calcutta Cup, non? C'est la Calcutta, c'est quoi? C'est Angleterre, c'est Écosse. C'est Écosse-Irlande, ouais, la Calcutta Cup. Mais... Angleterre-Écosse. Allez, Irlande-Angleterre, c'est parti. Nouvelle défaite de l'Irlande, malgré l'énorme paquet d'avant. L'Angleterre écrase tout sur son passage. Mais j'ai très bien remarqué que votre technique, Cut, c'est que vous pointez l'œuf, la partie supérieure de l'œuf, vers l'avant et vous laissez l'adversaire. Mais c'est ça, ils attendent en j'ai fait. Envie d'un c'est match insupportable. Quoi. J'ai envie d'un match d'un point car il y a deux équipes à deux victoires. Ces deux équipes à deux victoires sont le Pays de Galles et l'Angleterre. Allez, l'Angleterre. Est-ce qu'il nous reste un œuf dans le studio? Bien sûr, les œufs anglais et les œufs gallois sont intacts. C'est la finale, c'est pour le. On joue pour le grand chelem. Entre le Pays de Galles et l'Angleterre, on joue pour le grand chelem, ça se joue à Twickenham. Attention mesdames et messieurs, coup d'envoi. Tout va bien. Ah, j'ai gagné. Victoire du Pays de Galles, grand. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Le Pays de Galles s'est un petit peu suicidé. Il l'a écrasé avec son pouce avant même de taper. Donc, grand chelem de la perfide Albion sur ce plateau de Radio Galère. Grand chelem de la perfide Albion. On a la passion, on a la passion. Incroyable. On est tellement mauvais. On n'est pas foutu de faire perdre l'Angleterre. Comme disait Califano, le rugby, c'est un sport qui se joue à 15 ou à la fin, c'est l'Angleterre qui gagne. Eh bien, voilà, nous avons donc conclu ce magnifique petit jeu des œufs. Suivi donc la chronique autour de l'Ovalie, le ballon de rugby en forme d'œuf, et c'est l'Angleterre donc qui s'est saisie du trophée mis en jeu par le dispositif des bateaux. Mais tu peux dire c'est qui les seconds, s'il te plaît? Il me semble que dans le tournoi des six nations, la seconde place n'a vraiment aucune espèce d'importance. Est-ce que maintenant on a le droit de manger les œufs? Oui, est-ce qu'ils sont périmés vos œufs là? Pas grave, allez. On continue donc, on va conclure donc avant de se quitter. Par un petit quiz, bien sûr, doute. Avec vous, cher Jean 2, le quiz que vous avez savamment préparé. Un quiz un peu qui part dans tous les sens, mais qui va abuser. Quelle année le principe, cher Jean 2? Oh bah, je suis parti sur un quiz tournoi destination, hein. Tournoi destination, C'est-à-dire que... Vous incluez l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a des questions... À partir de 2000. Ouais, bah voilà, il y a des questions... Vous avez formulé des questions et il y a des réponses, c'est ça? Ah, il y a des réponses. Il y a des réponses et ça va être sur un jeu de rapidité la plupart du temps, hein. Et donc vous enjoignez nos auditeurs d'y répondre? Je serai le seul... Bon, je pense que si nous attendons qu'ils appellent, ce sera un peu long, peut-être. Oh, ils sont couchés alors qu'ils sont couchés. Je vais être le propre arbitre de cette rencontre, c'est-à-dire que je saurai entendre... Je pourrais citer nos auditeurs. Qui les deux qui m'ont été... Je voulais juste dire que j'étais en train de manger le Pays de Galles. Ah bah voilà, le Pays de Galles. Et Françoise et Didier, non? Où est-ce qu'ils en sont? Alors, question historique tout d'abord, messieurs. Guillaume, t'es bien rentré. Oblon, ça va ou quoi? Nous allons partir sur une première question historique. Voilà. On pourrait commencer par... messieurs. Marc Cessillon. En combien de temps l'essai le plus rapide de l'histoire du tournoi a été marqué? 17 secondes. Non, c'est 13. Ouais, mais 7, sauf que 13, j'attends de votre réponse. Il voit dans ton 17, bordel là. 13. Non, ouais, j'irai 6 secondes. 13, 6, 14. 43. 43, ça m'a 13, car je n'aime pas la règle de quand c'est au-dessus, c'est faux. Non, c'est au juste près, prix, c'est vraiment juste, con. Hein, voilà. Et c'était 12 secondes, l'Écossais Leslie contre le Pays de Galles. Mais donc c'est l'Écosse qui met un point. Non, j'étais en train de peler mon œuf dur. C'est Tommaso Cantini qui... Tommaso Cantini qui marque le premier point avec ses 13 secondes. C'était 12 secondes. Messieurs, dans quel hymne national peut-on entendre? Et ils l'ont renvoyé chez lui pour qu'il y réfléchisse à deux fois. L'Écosse. Une belle réponse de rapidité. Explique-nous. Flowers of Scotland. Ronald Pognon qui donne une réponse plus approfondie. Ça, c'est le talent, point barre. Alors, de qui parle-t-on dans ce Flowers of Scotland? Mais on parle d'un dieu grec de la mythologie ancienne. Ils l'ont renvoyé chez lui pour qu'il y réfléchisse à deux fois. Jésus? Henri III, pardon. Oui, Édouard, je crois, malheureusement. Insupportable, ce mec. Édouard VI, à l'époque, roi d'Angleterre. Henri III, Édouard VI, c'est kiff-kiff. Il avait pris ce nom. Tommaso Cantini et Ronald Pognon, pour l'instant. Hein. Messieurs, je vous engage à être rapide. Hein, on vous écoute. Tout est sur la rapidité. Hein. Nous sommes des flèches. En quelle année la France intègre-t-elle le tournoi, lui-même créé en 1884? 1906. Four Nations. Et en quelle année devient-il Five Nations? 1906 à gauche pour Dondé. 1919 pour Cantini. Ça c'est pas couillon ça. Juste après la guerre, comme par hasard quoi. Toi t'es bien collabo. Nous avons 6. Nous avons 1924. 6, nous avons 24 du côté du doc. Moi je dirais, allez, je dirais un petit 30. 1930 côté pognon. Le coach va-t-il donner sa... Il mange l'œuf, il mange le pays de Galles. Le pays de Galles, le coach. Met-il de la mayonnaise avec le pays de Galles? Oui, coach, il est en train de regarder sur internet. Là. Coach, l'utilisation de Wikipédia n'est pas autorisée. Lève-toi les mains. 1913. Donc, juste avant la guerre, quoi. Stratégie d'alliance. La bonne réponse, messieurs, était 1910. Oh. Il n'y a donc aucune bonne réponse. On peut l'accorder au coach alors qu'il était le plus près. Ouais, ouais, ouais. Malgré qu'il ait regardé ça, sur Wikipédia, juste à l'heure. Il a tout réussi à se tromper. À se demander, ouais. Car le coach est le seul être qui trimballe Wikipédia dans son sac. C'est vrai que le coach a regardé sur une petite fiche pour donner une mauvaise réponse. Bravo, c'est coach. Très belle initiative du coach. C'est son style, quoi. C'est vraiment pour pas se faire pister, quoi. Il est balèze, ce coach, quoi. Il imprime Wikipédia. Il parle en dernier, c'est fastoche, quoi. Il dit juste le truc qui va bien, quoi. Il l'imprime tout. Toujours avant de venir. Pour continuer sur ce fameux Flower of Scotland, en quelle année l'Écosse décide d'adopter définitivement enfin, le chardon comme emblème. L'hymne Flower of Scotland comme son hymne du tournoi, remplaçant le God Save the Queen. 48. 1948 à droite pour ouais, continuer. Ouais, mais il voit sur ton pas bouquin, du 46, quoi. Pas, si, pas du tout. Putain. 46. Donc ça, c'est à l'époque de la séparation entre les États et l'Église. 73. 73 à gauche pour Dundee. Ouais, ça me paraît mieux, 73. Ouais. J'irais, ouais. Moi, je dirais ça. Bah, du coup, 72. C'est au moment de la partage. Moi, 68, année érotique. Ouais, là, vous êtes très, très loin du compte, messieurs, les Écossais qui ont dû chanter God Save the Queen pendant bien plus d'années que vous ne pensez. En effet, c'est en 1993 seulement. Que Flower of Scotland a été utilisé définitivement la première fois. Donc avec 1973, je pense que voilà. Je suis plus proche. J'ai été con, j'ai dit 74 quoi. T'es juste à 20 ans, mais bon. On n'entend plus le docteur. On n'entend plus le docteur. Ça me rappelle ton style au foot en fait. C'est bien. Qui stagne à zéro. Tu veux dire à l'arrière comme à l'avant quoi. Mais le doc est très loin. Peut-être se rattraper sur cette prochaine question. Eh doc. Et c'est le fameux qui a dit quoi. Rugbyman ou philosophe. On parle toujours mal quand on n'a rien à dire. Rugbyman. Ça, c'est rugbyman, évidemment, quoi. Rugbyman, on a l'air d'être d'accord. Philosophe. On parle toujours mal quand on n'a rien à dire. On parle toujours mal quand on n'a rien à dire. J'ai envie de dire philosophe. Chanteur de variété. Chanteur de variété. Nous avons deux bonnes réponses qui sont philosophe. Et alors, je demande une précision. C'est Sartre. Ce n'est pas Sartre. En fait, t'en connais qu'un seul, c'est ça? Ouais. Donc, et Fantini, qui peuvent marquer un point là-dessus s'ils trouvent. Là, c'est la femme de Sartre. C'est un philosophe des Lumières. Thomas Quentin? Voltaire. C'est Voltaire, tout à fait, oh, Doc, qui marque son premier point dans cette compétition. Ça tombe bien, j'allais dire Foucault. Oh, merde, je l'ai dit. Jean-Pierre. Foucault, ouais, ça m'étonnait, en fait. Magnifique. Tout le monde est à un point, Jean-Pierre. On va pouvoir départager peut-être tout le monde. À part vous, cher Jean-Deux, qui êtes à zéro. Ah bah, moi, je connais toutes les réponses. Une question pour départager tout le monde. Quel est le plus grand stade de la compétition? Wembley, c'est Wembley, c'est Wembley. Non, c'est le stade de France. C'est le stade de France. Non. Vous avez tous. C'est le Stadio Olimpico di Roma. Ah non, on arrête avec les Italiens là, c'est bien chiant quoi. Non, vous êtes sûr que c'est pas un truc. C'est le stade de France. C'est le Millennium de Cardiff. De la compétition destination. C'est Murrayfield. Non, c'est Twickenham. Putain, j'allais dire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Wembley. Ah, t'as dit Wembley. Combien de places Twickenham? Non, mais déjà. Mais quel Schubert. Combien de places? 90 000 places à Twickenham. C'est faux. C'est faux. Je me porte en faux. Je porte réclamation. Réclamation, on verra l'année prochaine. À vérifier alors. Antoine Pognon vient de se barrer, du coup. Bien, ce quiz peut-il s'achever sur un match nul, chers amis? Ah, peut-être qu'il y a une dernière question de rapidité. Une dernière question, peut-être. J'en dois avant de conclure, il est très tard. Combien d'essais la France a-t-elle marqué jusqu'à présent dans le tournoi? 2, 4, 2, 2, 2, 2. 4. Mec, t'es à la bourre, à la mi-2, C'était 2. Et voilà, c'est le Pays de Galles qui l'emporte. Et vive le biathlon, Martin Fourcade. Ronald Pognon qui remporte ce quiz. Bravo Ronald. Alors si vous voulez faire la même émission mais sur le biathlon, je suis là si vous voulez. Un Fourcade bien. Martin Fourcade, Simon Fourcade, un la peu moins. La théorie mais Fourcadienne. Ouais, et puis Marie-Dorin, franchement au top quoi. Bien, chers amis. Et sa sortie par le monde des armes. Est-ce que t'as dit Alain Chevalier? Franchement, elle est au top. Est-ce que t'as dit Marcade au lieu de Fourcade? Non, bah non. Il est tard désormais. Il est tard. Nous avons fait le tour, semble-t-il, de cette question rugbystique qui occupait l'habit dans la porte numéro 3. Nous remercions l'ensemble du dispositif présent ce soir. Ça. Cher docteur, peut-être un... Je vais vous laisser la conclusion, cher docteur. On vous a trop peu souvent en ce moment à la radio. Je vais vous laisser la... le mot de conclusion, si vous voulez bien. Eh bien, merci, merci à tous. Déjà, j'étais très très heureux de retrouver ce dispositif que j'ai trouvé très vivant ce soir. Voilà, je suis content de la résurrection du coach pour la troisième mi-temps. Hein, quand même, c'est un garçon un petit peu comme ses avant hipstériens qui évolue un peu caché pendant les deux premières mi-temps avant de se révéler finalement barbe à la main et œuf à la coque dans l'autre. Voilà, pour l'emporter. Et ça, ça m'a fait plaisir, cette victoire du coach. On salue les copains de Salon. C'était très sympa d'avoir un vice-champion de France et puis un vainqueur du challenge. Vice-champion du département. Vice-champion du département salonnais. On était champion de Provence. S'il vous plaît, champion de Provence. On se calme. C'était super. On remercie tous les auditeurs qui vraiment étaient une nouvelle fois très très nombreux à se presser voilà sur leur clavier téléphonique. Pour nous communiquer des informations de première main, parce que on était un petit peu à la rue ce soir. Ça n'a pas été évident, la présentation de cette émission et même sa composition. Et puis on remercie tout le monde pour s'en être bien sorti. On vous souhaite à très très bientôt à tous. Merci infiniment et vive le ballon. Allez, salut, ciao, bonne soirée à tous. Ciao.